J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, je fais un perso. Si une chaussette, j'y fais un pansement. J'ai le boubou, je passe au réseau. C'est bon, pote, il va à l'horizon. Je suis là, j'ai frite sur le 50. 104 volts qui en 50. Y'a le gérant qui fait ses comptes. Ouais, septembre à septembre. Boubou, j'suis en feu, je vous rachis le 22. J'te fais confiance, j'm'en veux. Quand je viens, on se fait plus la vieux. J'ai le boubou, j'passe au nord. J'pense à mes soucis, mes remords. Tu me fais une queue de poisson, tout est mort. Faire ce que j'fais, c'est tout un art. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. Je lève tout boubou. Si j'ai pas fini, je m'endors pas. Où c'est le boubou? J'ai pris tout le bout et je te descends pas. Je sac en bout. Sans dit même recherché, je me rends pas. Je suis fou, j'avoue. Le week-end, je suis au studio, moi je sors pas. Moi j'ai les nerfs, j'ai le boubou. Alors je sors de bière et j'oublie tout, tout. Je suis dans l'audi, elle me fait coucou. Elle veut s'approcher, faire le poutou. J'ai tout tes sons, moi j'écoute tout. Y'a que du doudou là dans l'auto. Ouais, désolé, j'ai la boto. Non, tranquille, mais c'est détente. J'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, j'ai le boubou, j'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'ai le boubou, ouh. J'me lève tout boubou. Si j'ai pas fini, j'm'endors pas. Où c'est le boubou? J'ai fait tout le bout et j'te descends pas. Je sac en bout. Sans dit même recherché, j'te rends pas. J'suis fou, j'avoue. Le week-end, j'suis au studio, moi je sors pas. J'ai le boubou. J'ai le boubou, j'ai envie d'en faire un. Tu me cambou, espèce de gros dégain. Tu sais tout et tu fais tout.